Juste avant la pause, on a entendu l'auteur-compositeur-interprète de Toronto, Kyriss, qui nous offrait Le cœur du monde. Eh bien, pour la 8e place de notre top 10 de 2018, c'est une touche humanitaire. C'est l'album Nous de Kyriss, une toile de fond sur l'humanisme aux couleurs de musique du monde et un thème puissant, le nous et non pas le je. Donc, vraiment un positivisme rassembleur. Je vous donne une adresse pour découvrir son univers. kyrismusic.com, kyrismusic.com. Allez découvrir ça, allez mettre la main là-dessus. Je vous envoie une deuxième pièce de cet album-là. Ça s'appelle tout simplement « Ma cabane ». Là aussi, très beau texte sur l'humain comme tel, le « nous » et non le « je ». Voici Ma cabane, l'auteur, compositeur, interprète Kyriss. Sur ma cabane. croire que je suis là. La lumière constante qui enveloppe ton corps, le chuchot de ton souffle, le silence de ton départ. Quelques images, quelques fragments que je traîne partout en souvenir de toi. Les mots qui nous séparent, les mots qu'on ne dit pas, les restes de l'amour, l'écho de ta voix. Les mots qui nous séparent, les mots qu'on ne dit pas, dans la région de Toronto, si vous le voulez bien. Un premier album fort intéressant occupe la 7e position de mon top 10. Connue comme une des Chicklets, Julie Kim nous expose ses couleurs soul avec portrait, une belle toile de fond funk soul qui nous rappelle les époques Motown et disco. Le tout accompagné d'excellents textes signés Jenny Miner, Éric Dubo également. Donc, Julie Kim nous a proposé tout simplement Écho de ta voix. On va écouter une autre pièce, Je dis ce que je pense, dans quelques instants. Mais bien entendu, je vous invite à aller faire un tour sur son site internet. Il s'agit tout simplement de julietredionkim.ca. julietredionkim.ca. Allez découvrir son univers, sûrement disponible également sur l'APCM, apcm.ca. Je vais vous envoyer une autre pièce de cet magnifique album Portrait de Julie Kim. Il s'agit tout simplement de la chanson « Je dis ce que je pense ». Voici Julie Kim. Si j'ai plus de cours que celle de mon plus beau sourire, si mon regard se trouble, j'ai le goût de séduire. J'aimerais toujours plaire au regard des plus capricieux, mais mon point de repère, ce n'est pas une grandeur de lure. Dis ce que je pense, je pense ce que je dis. J'espère les apparences, je mords dans la vie. Je dis ce que je pense ce que je dis. Ce n'est pas un secret, la mode est un maître capricieux. Elle n'a rien de parfait que des mensonges et des pièges dangereux. Faut se le dire, le poids d'une femme ne se mesure pas en grammes. Je veux m'épanouir, la plus belle fleur sera toujours celle de mon âme. Dis ce que je pense ce que je dis. J'espère les apparences, je mords dans la vie. dire, c'est que j'assume sans compromis avec aplomb. Dis ce que je pense. La sixième place de mon top 10 revient à Annie Blanchard, qui nous est arrivée avec un deuxième album de reprise cette année, mais cette fois-ci avec des classiques francophones. L'album Welcome Soleil est rempli de beaux petits souvenirs remis au goût du jour, qu'on pense à La Vin, qu'on pense aussi à Évangeline, qu'elle a repris de façon géniale avec une trame de guitare acoustique merveilleuse. Vraiment beaucoup de beaux souvenirs et c'est bien réalisé grâce au génie de Georges Béliveau. Allez faire un tour sur annieblanchard.com pour découvrir son univers, vous procurer son album qui est sûrement disponible aussi via Distribution Plage, www.plage.net. On va écouter une autre chanson, c'est tout simplement... C'est la saison, c'est un grand classique francophone qui avait été popularisé par un dénommé Patrick Normand, je crois. Donc, elle en fait une belle version sur cet album « Welcome Soleil ». Voici Annie Blanchard et « C'est la saison ». Comme un oiseau qui revient pour l'été, oui, comme un ruisseau. Le temps qui passe de Loïc Morin. Eh bien, pour mon cinquième meilleur album de 2018, c'est un univers très européen, La rivière de Loïc Morin, une production très bien soignée qui nous arrive de la Colombie-Britannique. Un opus qui nous amène ailleurs tout en ayant une sonorité pop. C'est un pop beaucoup plus vers les résonances européennes. Un timbre de voix fleutré très intéressant, un peu à la Marc Lavoine, à la Florent Pagny. Par contre, aussi, sa choriste, vraiment une très belle voix également. Les deux nous offrent de très beaux textes sur de très belles mélodies. Je vous donne une adresse, loïcmorin.com, Loïc Morin en un mot, loïcmorin.com. Allez découvrir son univers. Je vous envoie une autre pièce tirée de l'album La Rivière. Celle-ci, elle s'appelle Paradis. Voici Loïc Morin. Les jours passent, les rêves, le monde, les palaces en surface.